il dit : Es-tu venu à nous, ô Moïse, pour nous faire sortir de notre terre par ta magie ?